Montès était anéanti. « Des preuves !» dit-il en balbutiant. « Songez !»« Tu en auras trop !» répondit Carabine. « Et puisque le soupçon te porte autant à la tête, j'ai peur pour ta raison. » « Est-il entêté, cet être-là ? C'est Piquefeu, le roi de Hollande ! Voyons, Lousteau, Bixiou, Massol, Ohé, les autres ! N'êtes-vous pas invités tous à déjeuner par Madame Marneffe après-demain ? » demanda Léon de Laura. « Ya !» répondit Du Tillet. « J'ai l'honneur de vous répéter, baron, que si vous aviez par hasard l'intention d'épouser Madame Marneffe, vous êtes rejeté comme un projet de loi par une boule du nom de Crevel. Mon ami, mon ancien camarade, Crevel a 80 000 livres de rente, et vous n'en avez pas probablement fait voir autant, car alors vous eussiez été, je le crois, préféré. » Montès écouta d'un air à demi-rêveur, à demi-souriant, qui parut terrible à tout le monde.